une telle œuvre, lorsque vous décidez de l'installer dans un lieu qui va devenir celui du concert, comment va-t-elle, cette œuvre, dicter une attitude qui pourrait être particulière et très spécifique ? Oh, de la façon la plus simple au monde, l'absence de toute distraction visuelle. Lorsque je donne à entendre quelque chose que j'ai fait dans un lieu public, d'abord j'étudie acoustiquement la forme de ce lieu public, je travaille ce lieu public en répétition, la manière de disposer les haut-parleurs et la manière d'organiser la masse sonore. Et mon but à ce moment-là est d'essayer de faire oublier les sources sonores, en l'occurrence les haut-parleurs, ce qui n'est pas facile parce que les haut-parleurs sont des instruments infiniment présents et il est très très difficile de les ignorer. Puis ce travail effectué, je m'installe dans une salle à côté, je disparais et je laisse le public tout seul avec les sons.